vigile jusqu'à demain. On a fumé, on a bu, avec ou sans dans les mains, pour regarder la vue. Mais dis-moi, souris encore dans tes yeux comme à la lune. Il est temps d'aller dehors pour rester. Tout ça nous rend dingue, dingue, dingue. Tout ça nous rendra dingue jusqu'au bout. Tout ça nous rend dingue, dingue, dingue. Tous les jours et quand la musique est bonne, bonne, bonne. Quand la musique est bonne, ouais, tout le monde bouge. Si tout le monde est dingue, dingue, dingue. Tout le monde, tout le monde. Jusqu'à demain, on n'a pas fixé les règles. On parle de tout et plus rien. Vivre, c'est un peu comme un rêve. Fais comme moi, souris encore à nos âmes comme à la lune. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dehors? Rien de plus. Tout ça nous rend dingue, dingue, dingue. Tout ça nous rendra dingue jusqu'au bout. Tout ça nous rend dingue, dingue, dingue. Tous les jours et... La musique est bonne, bonne, bonne. Quand la musique est bonne, tout le monde bouge. Tout le monde est dingue, dingue, dingue. Tout le monde, tout le monde. Mais l'homme est l'homme est l'homme est l'homme.